sortir l'avortement du code pénal. Voilà, ça, c'est en deux parties et c'est pas mal fait, c'est pas mal foutu. C'est le Centre d'Action Laïque qui met ça en place. Enfin voilà, moi vraiment, je fais pas de pub pour personne, hein, je m'en fous un peu, mais disons quand même qu'ils bougent pas mal, ces gens. Et donc dans un premier temps, on va entendre Roger Moore, président du conseil d'administration de ce Centre d'Action Laïque. Dans un second temps, il y aura Sylvie Losberg, directrice études et stratégie au même endroit, Christine Defresne, présidente du Sénat, Isabelle Simonis, ministre des droits des femmes et de l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis dans un second temps, on pourra entendre Jeanne Vercheval, qui est militante féministe fondatrice des Maris Mineurs, Dominique Dauby, qui est secrétaire générale des femmes prévoyantes socialistes de Liège. Il y aura aussi Claudine Mouvet, directrice du planning familial Louise Michel à Liège. Chloé Colette, assistante sociale au centre du planning familial Infor Femmes à Liège. Corinne Bouert, médecin et chargée de cours au département de médecine générale ULG. Yannick Manigard, gynécologue obstétricien au planning CHU Saint-Pierre-Bruxelles. Et puis Jean-Louis Gillissen, je ne sais pas bien comment on dit, avocat au barreau de Liège. Voilà, tout ça, évidemment, tous ces gens vont dire des choses, et franchement, il y a vraiment des moments, c'est super intéressant. Donc, sur toute cette histoire, cette fameuse histoire hein, de cet avortement, IVG aussi, interruption volontaire de grossesse. Et donc, ça se fera en deux parties. C'est parti. Je dirais sur cette thématique sortir l'avortement du code pénal. Une première réunion avait eu lieu à Bruxelles le 30 septembre dernier sur cette même thématique. Je vais me permettre très brièvement de vous faire un petit rappel d'histoire, car quand on ne connaît pas son histoire, vous connaissez ce qu'on dit, on est condamné à revivre ces situations. 1867, l'avortement est inscrit dans le code pénal belge. Et pas n'importe où, puisque c'est dans le chapitre des crimes et délits contre l'ordre des familles et de la morale publique. Et ça veut dire qu'il y aura une série de sanctions qui seront prises pour toute personne qui contreviendrait, qu'il s'agisse des malheureuses victimes, je dirais, qui demandaient un avortement clandestin dans des conditions, vous en doutez, déplorables, pour lesquelles, il y avait des personnes qui avortaient et donc qui, en fait, soulageaient le grave problème que rencontraient ces femmes. Il y avait de nombreux cas d'infection hein, et des morts qui survenaient. C'est donc une situation tout à fait tragique. Je ne sais pas si vous avez vu le film Vera Drake, c'est un film de Mike Lee de 2005, qui est un film remarquable, qui traite justement de ces avortements clandestins et qui illustre parfaitement justement cette problématique. Cette fameuse loi que nous voudrions voir modifiée a duré jusque tel quel jusque 1990. C'est quand même assez effrayant. Dans le même temps, il n'y avait pas de possibilité de contraception quasiment. Et même à partir de 1923, après la Première Guerre mondiale, certes, où il fallait repeupler suite à la tragique Première Guerre mondiale, mais toute contraception était même interdite. Et il faudra attendre 1973 pour que, enfin, il puisse y avoir une libéralisation à ce sujet-là et finalement une diffusion, une publicité faite pour la contraception. Et c'était donc qu'en 1990, après maintes propositions qui chaque fois échouaient, il faut avoir l'honnêteté de le dire, à cause des partis, le CVP et le PC de l'époque, hein, qui étaient évidemment largement influencés, vous en doutez, par l'Église catholique. C'est donc grâce à Roger Lallemand, auquel je tiens ici à rendre vraiment hommage pour son action remarquable, et Lucien Herman Mikkelsen du VLD, qui réussirent enfin, après des négociations extrêmement compliquées, à mettre fin à cette situation épouvantable, et donc permettre qu'il y ait une dépénalisation partielle de l'avortement. C'est donc une loi très importante qui avait été, je dirais, précédée dans les faits parce que des personnes courageuses au sein de plannings familiaux et des médecins, bien sûr on a en tête le docteur Peirce, mais il y en a d'autres bien sûr qui ont également, le docteur Rubinon, le docteur Ami, Françoise Kreuen et bien d'autres, qui avaient pratiqué des avortements, je dirais sans se cacher, et qui d'ailleurs ont été condamnés pour ce fait-là, mais qui voulaient avant tout montrer que l'état du pays par rapport à ce qu'était la loi ne correspondait absolument plus. Il fallait donc que les choses changent. Il y a donc eu là un moment très important au point de vue éthique, je dirais, et ceci malgré les résistances. Je ne reviendrai pas sur l'épisode royal qui était quand même assez incroyable, mais enfin, on s'en est sorti, et donc la loi a pu être votée, c'était l'essentiel. Je trouve que c'est ce que l'on a vécu avec cette loi de dépénalisation de l'avortement et d'autres éléments éthiques qui ont été abordés par la suite, tels que le mariage pour tous ou l'euthanasie, ça illustre bien deux visions différentes de la société. L'une est une vision étriquée, je dirais figée, qui veut faire passer une conviction pour tout le monde, et donc qui est quelque part liberticide, et qui est, il faut le dire, souvent le fruit des églises, et d'autre part, une vision humaniste que nous défendons, nous, laïcs, un régime de liberté, de droits humains, et qui vont donc permettre au principe humaniste qu'est la laïcité de se dégager ainsi de toute ingérence religieuse. C'est donc en fait la possibilité pour chacun d'avoir le droit. On ne dit pas, si une personne n'a pas envie de pratiquer une IVG, elle ne le fait pas, c'est son droit le plus strict, mais interdire à des femmes qui souhaitent le faire pour les raisons qui leur sont propres, qui leur appartiennent, ça ne va pas évidemment, et c'est malheureusement ce qui est arrivé pendant une période bien trop longue. Ces questions éthiques doivent être tranchées, fixées dans des lois, votées démocratiquement par le Parlement, c'est ce qui fut fait. Et c'est donc cette vision de la laïcité dans une société ouverte et tolérante que nous souhaitons voir aussi, si possible, inscrite dans la Constitution, la laïcité. Ceci dit, restons vigilants. Et vous savez, plusieurs États européens, l'Irlande, la Pologne, la Hongrie, Malte et Chypre, mais aussi, il y a des craintes en Espagne, en Italie, et très récemment, des hommes politiques, soit sont arrivés au pouvoir, aux États-Unis. En France, nous voyons un candidat de la droite qui se montre particulièrement frileux en matière éthique. Tout ça ne peut que nous inquiéter et nous devons donc rester extrêmement vigilants et bien faire attention à ce que ces éléments de la loi puissent être maintenus et que nous puissions même aller plus loin puisque L'objectif que nous soutenons, c'est sortir l'IVG du code pénal et en faire un acte de santé publique. Voilà, je ne veux pas être plus long, je crois qu'on aura largement l'occasion d'en reparler. Je voulais simplement dire, chers amis, que local, province de Liège, souhaite promouvoir la liberté, l'égalité, la solidarité dans une société où nous pouvons vivre libres ensemble, dans un pays ouvert aux idées progressistes. Je vous remercie. Avant de dire quelques mots de l'organisation de cet après-midi, je voudrais rapidement replacer cette revendication du mouvement laïque et expliquer la raison pour laquelle nous avons décidé de rouvrir ce débat public sur l'interruption volontaire de grossesse. Donc vous le savez, comme on vient de le dire, le contexte européen et international démontre tous les jours que les droits des femmes, et en particulier celui à disposer de son corps, sont remis en question, pas seulement par les pouvoirs religieux, mais également évidemment par les droites extrêmes qui gagnent de plus en plus de terrain politique. Mais la rencontre de ce jour a d'autres objectifs que de décliner ces constats alarmants. Vous le savez, ce sont les féministes et les laïcs qui ont, hier comme aujourd'hui, lutté pour que les femmes puissent décider ou non de poursuivre une grossesse. Donc, outre la réaffirmation de ce principe, l'objectif de cet après-midi, c'est d'écouter aussi le terrain. Qu'est-ce qui peut être amélioré pour les femmes, mais aussi pour les équipes sur le terrain ? Ce sera donc l'objectif de la table ronde qui commencera vers 15h30. Avant cela, nous avons souhaité aborder avec les premières intervenantes un autre volet de cette thématique. C'est celui de la transmission, ou plutôt de la non-transmission, de la lutte qui a présidé au vote de la loi Lallement-Mikkelsen de 1990. Des luttes qui ont pris terrain dans la rue, des luttes pour les droits des femmes, avec les femmes et les hommes progressistes. Nous entendrons donc deux grands témoins, Madame Jeanne Verwoerd-Vercheval, qui a fondé les Maries Mineures, qui est une militante féministe de la première heure, et Dominique Dauby, secrétaire générale des femmes prévoyantes socialistes de Liège. Elles partageront avec nous l'histoire de ces luttes, comment elles ont vu le jour, comment elles se sont organisées, développées, et aussi peut-être poserons-nous la question de savoir pourquoi nous devons nous remobiliser aujourd'hui et surtout comment y arriver. Parce que la loi de 1990, évidemment, était une grande avancée, comme vous le savez. Mais les prescrits de la loi, quand on les relit aujourd'hui, 26 ans plus tard, nous posent quand même beaucoup de questions. Parce que toutes les conditions de la loi, au fond, ont été des concessions qui ont été faites aux opposants à l'avortement. Posons-nous peut-être la question de savoir si ce n'est pas le moment de re-réfléchir à ce qui est réellement inscrit dans cette loi, même si la pratique de terrain peut sembler satisfaisante. Alors, la mobilisation des femmes, des hommes, c'est une chose. Mais une autre est d'obtenir la modification législative que nous revendiquons, c'est-à-dire sortir l'IVG du code pénal. L'interruption volontaire de grossesse, c'est un acte médical. Qu'est-ce qu'il fait dans un code judiciaire, au fond ? On peut se poser la question de savoir pourquoi les ventres des femmes sont pris dans une judiciarisation. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas d'un point de vue de santé publique d'une part, mais d'un point de vue de l'égalité aussi des hommes et des femmes dans notre société ? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je remercie Sylvie de me céder la parole. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir débattre d'un sujet qui est de très grande actualité et qui est évidemment fondamental. Vous êtes nombreuses et nombreux cet après-midi et cela témoigne de l'importance de cette question. Alors, je vais vous dire comment je suis devenue parlementaire en 99, ça ne nous rajeunit pas. Je ne m'attendais absolument pas, je ne m'attendais pas du tout à ce que la question de l'avortement puisse à nouveau être débattue dans notre pays. Et pas débattue seulement dans le sens où nous allons l'exprimer cet après-midi, mais où ce droit fondamental, ou droit inscrit dans la loi, nous allons en dire un mot, soit remis sur la table, soit remis en question. C'était pour moi, à ce moment-là, et je pense comme toutes les femmes politiques de ma génération arrivées, élues à cette période, une telle évidence, un tel, est-ce que j'oserais dire, droit acquis, que je n'ai jamais imaginé que 15 ans plus tard, à peu de choses près, on soit arrivé au point où on doit finalement redébattre des fondamentaux. Alors, on l'a dit, l'avortement fait toujours partie du code pénal. Aujourd'hui, peut-être un peu moins qu'hier, mais tout de même comme hier, le législateur condamne toujours l'avortement si les conditions mises par la loi du 3 avril 1990 ne sont pas respectées. Et donc, il n'y a plus d'infraction lorsque l'interruption de grossesse est pratiquée sous certaines conditions. C'était déjà une avancée formidable, mais comme Sylvie l'a dit, ces conditions sont autant finalement de concessions qu'on a laissées aux opposants de la loi. Mais de temps en temps, il faut pouvoir faire des compromis, il faut pouvoir atterrir, et donc il faut, en Belgique, on a cet art de trouver les interactions, il faut pouvoir atterrir effectivement sur des compromis. Est-ce que ces compromis sont pour autant satisfaisants ? Non, mais je dirais qu'on a vécu avec, qu'on a pu, entre guillemets, s'en contenter pendant toutes ces années. Quand la loi l'allemand Michelsen est advenue, je n'étais pas parlementaire, évidemment, j'étais qu'une jeune avocate et j'avais suivi avec intérêt l'espèce de pantalonnade constitutionnelle à laquelle nous avons vécu. Et je me disais quand même, dans notre pays, on est en retard de 15 ans à peu près sur les Français. Moi, j'avais toujours en vue ce combat de Simone Veil. Et je trouvais effectivement, comme beaucoup ici, j'imagine, déplorable cette espèce de tour de passe-passe pour ne pas sanctionner et promulguer la loi. Mais quand même, on y est arrivé. Alors, je pense que dans notre pays, on a eu, par rapport à la France, on a en quelque sorte rattrapé un certain retard dans ces matières éthiques et bioéthiques, et qu'on peut s'enorgueillir, on peut se targuer en Belgique d'avoir été à la pointe d'un certain nombre de lois, d'avoir été à la pointe du combat, d'avoir pu engranger un certain nombre de législations. Mais je ne vous cache pas, et ça mériterait d'avoir une après-midi, une journée de réflexion tout entière, je ne vous cache pas que je suis effrayée à l'heure actuelle par une certaine stagnation. Et qu'il y a un certain nombre de domaines où je vous invite toutes et tous à être attentifs pour que demain, on ne soit pas à la traîne. Je pense par exemple à tout ce qui concerne la gestation pour autrui, la maternité de substitution, et par exemple dans le domaine de l'euthanasie, je vais citer ces deux exemples-là, il y a encore des pans entiers de la société qui n'ont pas été explorés et qui mériteraient une nouvelle avancée législative. Voilà, je dis ça en passant, mais pour en revenir à l'avortement, je pense que nous sommes encore loin, au sein de l'ordre juridique belge, d'une mise en œuvre correcte de ce droit fondamental. Et on a fait allusion au débat qui se passe en France, à l'émergence d'un candidat de la droite. Et vous voyez que le débat ressurgit et que la polémique est là. Et au-delà des mots, droit inscrit dans la loi ou droit fondamental, ce n'est pas qu'une différence sémantique, c'est une différence, je pense, vraiment de vision de la société. Et chez nous, bah, il faut bien le dire, un véritable droit à l'avortement n'existe pas. L'avortement dans le code pénal est à côté des dispositions relatives à la prostitution, à côté des dispositions relatives à l'attentat à la pudeur, et ce n'est pas un hasard si ça n'a pas été déplacé. C'est la preuve d'une certaine architecture, d'un ordre moral, d'une certaine idée de la morale. Alors, est-ce que cette idée de la morale est conforme ou non aux droits humains? Je pense qu'il n'y a pas de conformité à la notion de droits humains, puisque si je regarde le droit international, il y a un certain nombre d'instruments juridiques qui sont adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui traitent implicitement de cette question, qui traitent du droit à une maternité librement choisie. Et je pense que le guideline, le chemin des droits humains, doit nous être donné aussi par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça s'appelle comme ça, mais c'est l'homme avec un grand H, ou la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Alors, prolonger ce que Sylvie a dit, les concessions qui sont faites dans la loi de 1990, c'est évidemment aussi cette commission d'évaluation, qu'on le veuille ou non. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas la faire, je dis que c'est aussi le sens du compromis, c'est une sorte de volonté de se dire on a évidemment une dimension éthique, mais tout le monde a une dimension éthique, mais il faut quand même bien dire que cette commission d'évaluation, bah, c'était un petit peu une sorte de gage donné. Alors il y a à peu près une douzaine de rapports qui ont été communiqués au Parlement. Il y a aussi des recommandations qui sont émises par cette commission d'évaluation. Et j'imagine que lors du débat, plusieurs intervenantes auront l'occasion de le dire, mais j'ai envie de dire attention, parce que dans les interstices, dans les fentes qui sont données par cette commission d'évaluation, eh bien, dans ses conclusions, je pense que nous devons être extrêmement vigilants de ne pas faire peser ce retour de l'ordre moral et de ne pas dévier de ce qu'on a souhaité. Parce que cette commission a eu pour conséquence, enfin, un certain nombre de rapports d'évaluation, que des propositions adviennent. Ça part certainement d'un bon sentiment, entre guillemets, mais je rends attentif quand même à un certain nombre de recommandations qui seraient une façon de dissoudre, de déliter, de rentrer par la fenêtre alors qu'on a sorti et évacué un certain nombre de questions lors des débats. Par exemple, dans les recommandations, on dit qu'il faut aller expliquer aux étudiantes à quel point c'est bien et c'est chouette d'avoir un enfant, une grossesse, les bienfaits, etc. Oui, c'est très chouette d'avoir un enfant, je confirme, mais est-ce que c'est vraiment le sens de ce qu'on a voulu, d'aller faire peser une pression en disant, mais oui, mais il faut quand même expliquer aux étudiantes que c'est chouette, même étudiantes, d'avoir une grossesse, d'avoir un enfant, il faut quand même faire la promotion de cela. Donc je rends quand même extrêmement attentif à ce qui peut advenir dans ces différentes recommandations. Le diable, pour peu qu'on croie au diable, se niche parfois dans un certain nombre de détails. Alors, qu'est-ce qui nous occupe pour le moment ? Un certain nombre de propositions de loi qui sont déposées à la Chambre, qui émanent de plusieurs partis. Et ces propositions de loi ont pour objectif, il y en a plusieurs, il y a une collection qui est là, et je suppose qu'on les décrira, qui veulent abaisser le seuil à partir duquel un enfant naît sans vie a une existence légale. à l'heure actuelle, c'est à partir de 180 jours, du 180e jour de grossesse, que l'officier d'état civil dresse une déclaration d'enfant sans vie et s'est inscrit dans le registre des décès. Alors, certains veulent abaisser cette limite. Alors, il y a plusieurs types de propositions. Au départ, il y a un abaissement du seuil de façon obligatoire, avec l'idée que l'obligation de dresser un acte de naissance, un acte de décès, une inscription, soit effective. On est passé dans certaines propositions de l'obligation à la faculté. Alors, quel est l'objectif poursuivi par ces propositions ? On a eu le débat parce que déjà sous la législature précédente, ces propositions étaient sur la table du Sénat et on nous dit la bouche en cœur. Mais il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le droit à l'avortement, fût-il partiel. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit d'accompagner les parents, il s'agit d'accompagner les femmes dans leur détresse, il s'agit d'accompagner les familles, de leur permettre de faire mieux leur deuil. Alors, est-ce que c'est par une obligation d'acte de naissance ou comme on l'appelle, par une inscription obligatoire qu'on va nécessairement mieux accompagner les personnes dans ce qui est effectivement une épreuve? Moi, je ne le pense pas. Est-ce que par le biais un peu plus subtil de la faculté, on va régler tous les problèmes en disant mais on n'oblige personne, on dit que c'est une possibilité, chacun fera comme il voudra. Et c'est évidemment extrêmement tentant, extrêmement pernicieux, nous en parlions en disant mais vous avez le libre choix, vous n'êtes pas obligé de faire cette déclaration, vous n'êtes pas obligé de dresser un acte de naissance, vous n'êtes pas obligé d'inscrire dans le registre, c'est facultatif. Alors évidemment, imaginez la pression qui va pouvoir régner et peser sur les familles, sur les femmes, en disant mais regardez un petit peu quelle mauvaise mère potentielle ou en devenir vous êtes ou vous avez été parce que vous n'avez même pas consenti à donner à ce fœtus finalement un acte, une existence, un droit de cité. Donc, il y a une pression morale à mon estime, mais quand on a dit ça, on n'a pas encore calé tous les arguments. Et donc, parce que je ne cache pas que, par exemple, dans ma formation, où nous avons, je le répète, et on m'en prie de le répéter, donc comme je suis tout à fait disciplinée, je le répète, le libre choix pour ces questions éthiques, chacun fait et vote en son âme et conscience. Et quand on a dit, bah, il y a une stigmatisation qui va se faire, on n'a pas encore réglé la question, puisque je ne cache pas de dire que chez nous, on dit ben oui, mais le libre choix, c'est quand même quelque chose auquel on est attaché. Mais je pense que le problème, il n'est pas là. Le problème est qu'avec cet abaissement du seuil, on en vient à donner un statut juridique. Comment faut-il l'appeler ? Embryon, fœtus ? On donne un statut juridique, d'une manière ou d'une autre. Et qui dit statut juridique dit évidemment renforcement de cette pénalisation de l'avortement et même, je vais plus loin, dit remise en cause de ce droit qui est inscrit dans la loi et qui n'est pas, en l'état actuel de notre droit belge, un droit fondamental. Donc je pense que c'est là-dessus que le débat doit porter, qui n'est pas un débat simple, hein, qui n'est pas un débat facile. Et je vais vous parler avec beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise, c'est que par rapport à la question de l'avortement, il ne s'agit pas de dire qu'on est pour ou contre l'avortement, ce n'est pas ça la question. L'avortement dans la vie d'une femme, qu'on le veuille ou non, ben, ce n'est pas un moment très drôle, ce n'est pas un moment facile. L'avortement, finalement, c'est toujours un échec de quelque chose. C'est un échec, mais ça ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser cet échec. C'est quoi ? C'est l'échec d'une contraception, c'est peut-être l'échec d'un projet de vie. C'est l'échec d'un long fleuve tranquille. C'est quelque chose qui n'était pas prévu à un moment donné et sur lequel il faut réagir. C'est pas la question d'être pour ou contre. C'est la question quand même aux femmes, de permettre aux femmes de disposer de leur corps. C'est une question de liberté fondamentale et c'est une question, on y revient, de décider ce qu'on veut de sa vie. C'est la question de ne pas résumer les femmes à des ventres, à des réceptacles, et de pouvoir choisir aussi leur destinée. Alors, il y a deux ans, enfin vous me corrigerez, on a célébré les 40 ans des plannings familiaux. Et il y avait une dame médecin, je ne sais pas si elle est parmi nous, non, elle n'était pas là, c'est à Bruxelles au Sénat, qui disait, mais moi je veux dire que l'avortement, c'est quelque chose de bien, entre guillemets, de naturel. Moi, je ne vais pas jusque-là. Moi, je parle en termes de libre choix de la femme, en termes de libre conception de ce qu'elle veut faire de sa vie, et en termes, simplement, on ne peut pas résumer les femmes à des objets. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, le débat portait sur le fait qu'il n'y avait plus de médecins qui étaient formés. Il y avait très peu de médecins généralistes qui étaient formés. Et donc, dans les universités, même dans notre université, je ne vais pas dire d'État, mais de communauté, il semble quand même qu'il y ait un désintérêt par rapport à la formation des médecins généralistes, qui est important parce que c'est quand même la première ligne de soins, la première ligne de dialogue et la première ligne vers laquelle se tourne la femme pour avoir une solution à ce qui est, à un moment donné, une difficulté, un obstacle à surmonter et à contourner. Et là aussi, dans notre pays compliqué et morcelé, à côté du code pénal, sur lequel nous devons évidemment tous ensemble travailler pour sortir cette question des articles du code pénal, il y a aussi tout l'accompagnement des plannings, tout ce travail de terrain, et je sais qu'il y a des femmes formidables qui y contribuent tous les jours, et aussi la question de la formation des médecins. Alors, ces propositions qui abaissent le seuil, elles vous diront que c'est pour accompagner la difficulté et la douleur, ce qui est un argument absolument presque incontournable. Personne ne peut être contre cela. Moi, je dis simplement qu'elles ont aussi l'objectif à peine caché et voilé d'empêcher ce qui a été proposé, qu'on recule la limite pendant laquelle on peut pratiquer un avortement. Et plus loin aussi, ces propositions ont une vocation, je pense, à peine cachée, je pense qu'il ne faut pas faire preuve de naïveté ni d'angélisme, de déliter petit à petit ce droit inscrit pour le moment dans la loi. Alors ce que moi je voudrais vous proposer avec d'autres, c'est que ce droit inscrit dans la loi devienne évidemment un droit fondamental, parce que c'est plus une question de santé publique, c'est plus la question de la contraception, de l'éducation sexuelle, et je salue ma collègue Isabelle Simoniste qui pourra vous parler longuement de cela aussi. Et donc je pense qu'il faut aller plus loin. Et pour caler, on va le dire platement, ces propositions, il faut en tout cas obtenir la concomitance avec le vote et l'adoption des textes qui veulent sortir l'avortement du code pénal. Ce n'est pas anodin. Il s'agit, oui ou non, de donner un statut juridique au fœtus avec toutes les conséquences que cela implique. Il s'agit, oui ou non, d'arriver à une condition de la femme pleine et entière. Alors, j'ai dit en commençant que je n'aurais jamais imaginé, en devenant parlementaire, que ces questions puissent être, non pas débattues, mais rebattues. Et malheureusement, il faut constater qu'en Europe, il y a un vent du retour en arrière qui souffle à grande bourrasque et à grande rafale. On parle de la Pologne, on parle de la Hongrie, c'est encore mieux en Hongrie, hein, c'est carrément l'inscription dans la Constitution. On peut parler de Trump. On peut parler de Trump, bah oui, regardez ce qu'il préconise. Et puis, bien sûr, le débat en France qui ne doit pas nous laisser indifférents. Alors oui, M. Fillon, il a le droit d'avoir ses convictions personnelles. Et si nous nous défendons le choix, nous respectons les convictions des uns et des autres. Mais je pense que c'est plus insidieux que cela. Et si ce n'était pas si sensible et si touchy, je pense qu'il ne réagirait pas de façon aussi virulente lorsque son adversaire, que je ne considère pas comme un chantre du progressisme sur ces questions-là, quand son adversaire lui soulève l'objection, il ne réagirait pas de façon aussi vexée et virulente. Simplement, vive la liberté de penser, vive l'esprit critique, mais en tout cas, nous ne pouvons pas accepter le moindre retour en arrière. Et je crains fort que ce vent du retour en arrière ne soit vraiment consistant, persistant en Europe, mais pas seulement en Europe. Voilà, c'est peut-être pas un langage très optimiste, mais je pense qu'il faut pouvoir poser les bons constats, les bons diagnostics pour pouvoir mieux résister. Alors voilà, vous me trouverez toujours à votre côté pour essayer de faire en sorte qu'on sorte une bonne fois pour toutes l'avortement du code pénal et qu'on l'aborde sous une question de droit fondamental et de santé publique. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Et j'appelle maintenant Isabelle Simonis, ministre des Droits des Femmes et de l'Égalité des Chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous d'abord. Et permettez-moi pour démarrer de remercier bien évidemment le Centre d'Action Laïque pour l'organisation de cette rencontre-débat dont le sujet, et j'ai entendu la fin de l'intervention de ma collègue, est éminemment moderne et actuel. Alors en 2004, à l'occasion de la constitution du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un ministère des droits des femmes a donc vu le jour. Cette décision, en réponse aux revendications des mouvements de femmes, souligne à quel point les combats pour les droits des femmes sont contemporains et d'actualité. Et donc, comme ministre des droits des femmes, je fais évidemment mien le slogan des mouvements féministes des années 70, « Notre corps nous appartient ». La loi allemande Herman Michelsen dépénalisant partiellement l'interruption volontaire de grossesse est donc promulguée le 3 avril 90 et c'est une avancée essentielle, même si elle ne rencontre que partiellement l'objectif politique de consacrer le droit des femmes à disposer de leur corps. L'accès à la contraception, puis à l'avortement, vont marquer un tournant important dans l'émancipation sociale, politique et même professionnelle des femmes. La clandestinité fait place à la légalité qui consacre désormais le libre choix des femmes d'avoir ou non un enfant et de la voir au moment qu'elle juge opportun. Par ailleurs, cet affranchissement a également permis aux femmes de penser leur vie et leur sexualité bien au-delà du prisme de la seule reproduction. Après l'obtention du droit de vote, ce droit à l'avortement et à la contraception n'est ni plus ni moins que l'un des piliers sur lesquels repose l'émancipation des femmes dans notre société. Alors, 26 ans après cette dépénalisation partielle, quelle évaluation pouvons-nous faire de cette loi? En Belgique, on estime à 15 000 le nombre d'avortements pratiqués chaque année, et ces avortements sont généralement réalisés dans des centres extra-hospitaliers et se passent dans de bonnes conditions. Faut-il le dire, en Belgique, aujourd'hui, les femmes ne meurent plus d'un avortement. Cependant, cette loi n'est pas évidemment la panacée. Tout d'abord, la législation ne dépénalise que partiellement l'interruption volontaire de grossesse, alors que dans bon nombre d'États, ce droit est total et absolu. On connaît la loi française défendue en 1974 par Simone Veil. J'ai appris récemment, d'ailleurs, que l'avortement en Tunisie est légal depuis 1973 et pratiqué gratuitement et sans condition à la demande de la femme jusqu'à 3 mois de grossesse. Notre code dépénalise donc partiellement et de manière conditionnée l'avortement. Il s'agit donc d'un droit limité dans le temps. Un médecin ne peut pratiquer un avortement au-delà des 12 premières semaines de grossesse sans être poursuivi pénalement. Il s'agit aussi d'un droit partiel, car pour avoir accès à l'IVG, la patiente doit présenter et démontrer un état de détresse. Et ensuite, cette loi comporte la fameuse clause de conscience qui peut être invoquée par le médecin. Dès lors, l'accès à l'avortement peut être complexifié par l'absence de praticiens volontaires. 26 ans après, nous constatons que ce droit peut aussi, alors même qu'il est limité, être mis en péril à différents niveaux. D'abord, il y a un manque criant de médecins pratiquant l'IVG avec un risque bien réel de pénurie. D'autre part, des propositions de la part de partis conservateurs belges, des propositions de légiférer sur la reconnaissance du fœtus mort-né, nous font craindre un recul à l'accès à l'avortement. En effet, cette reconnaissance est loin d'être anodine, puisqu'elle pourrait aboutir à un début de reconnaissance dès le stade embryonnaire et pourquoi pas dès la preuve d'une fécondation. Enfin, il y a bien évidemment aussi une opposition toujours plus pernicieuse des mouvements religieux et conservateurs qui prônent le maintien d'une société patriarcale et rétrograde. En ce sens, je déplore aussi qu'au niveau européen, le droit des femmes à disposer de leur corps ne soit pas reconnu comme un droit fondamental nécessaire à l'adhésion d'un pays à l'Union européenne. Aujourd'hui, la Pologne, l'Irlande, Malte et Chypre interdisent toujours l'avortement et force est de constater que ce droit ne fait pas partie de la Charte européenne des droits fondamentaux. Mesdames, Messieurs, le combat des femmes pour l'émancipation et la liberté de leur corps est bien loin d'être fini. Chez nous, il est donc temps d'obtenir une dépénalisation totale de l'avortement. Et il est par ailleurs important aussi de promouvoir des dispositifs favorisant la formation des médecins pratiquant l'IVG. Nous devons également approfondir, et croyez bien que j'y travaille, l'information systématique de la population et notamment des jeunes sur le droit à la contraception et à l'IVG. Des dispositifs existent, mais ils ne sont pas suffisants, ils ne sont pas complètement déployés, donc il faudra sans doute revoir ces dispositifs. Au niveau international aussi, il est nécessaire de militer pour que le droit à disposer de son corps soit reconnu comme un droit fondamental et que celui-ci ne puisse être remise en cause ou en question par un État membre, à l'instar de ce qu'a voulu, par exemple, faire l'Espagne il y a peu. L'égalité des femmes et des hommes ne peut se concevoir que dans une égale liberté de chacun à disposer de soi et à poser ses choix de vie sans contrainte. Peu importe les circonstances qui peuvent mener une femme à avoir une grossesse non désirée, ce qui est non négociable, c'est l'espace de liberté que l'État doit offrir à celles qui désirent y mettre fin. La lutte pour les droits des femmes, et notamment pour le droit à disposer de son corps, est en marche depuis de très nombreuses années. Nous en sommes les bénéficiaires, les héritières. Il nous faut aujourd'hui encore garder le flambeau allumé par les plus anciennes et par les mouvements qui ont suivi. Et je suis moi aussi assez inquiète face aux montées des conservatismes de tous bords et de tous poils en Europe, au niveau international et même dans notre pays. Et donc je crois vraiment que c'est un combat extrêmement d'actualité qui nécessite le rassemblement de tous les progressistes. Je vous remercie. Voilà, il fonctionne. Merci beaucoup, Madame Simonis. Alors, comme la future potentielle mauvaise mère qui demanderait l'accès à l'avortement, j'ai le très mauvais rôle aujourd'hui d'être la gardienne du temps. Donc, on va passer à la suite et je demande d'accueillir chaleureusement ici, dans ces jolis fauteuils, Madame Dobie et Madame Vercheval-Vervoort, s'il vous plaît. Alors Sylvie me demande de les mettre à la tribune ou on s'installe ici ? À la tribune. Eh bien, si on vous l'a dit, moi, voilà, Madame Vercheval, on rappelle donc que c'est dès 1969 que vous, en tant que grande féministe, créez le mouvement Marie Mineure. Vous n'aurez cessé depuis lors de vous battre. Est-ce qu'aujourd'hui, ma question, j'aurais aimé vous demander, est-ce que ces grands combats sont les mêmes que jadis ? Bien sûr, les mouvements se sont structurés sans doute, mais est-ce que vous pensiez aujourd'hui devoir encore mener ces combats-là ? Oui. Oui, dès qu'on a su que la loi, qu'il y avait une loi qui nous empêcherait toujours d'avorter. Et quand on voit aussi la façon dont notre société est régie et comment même aujourd'hui, des jeunes femmes, et j'en ai rencontré, qui avortent, se sentent coupables d'avorter. Et ça, pour moi, je trouve ça injustifiable. Je pense que les femmes doivent reprendre en main leur destin ensemble. Cessons de dire la femme, nous les femmes. Reprenons ce slogan qui était le nôtre, nous les femmes. Nous ne voulons plus de ce genre de main mise sur notre corps, sur notre désir simplement de dignité. De dignité. Je voudrais quand même vous donner un petit aperçu de ce que nous avons vécu. En 68, une de mes voisines venait d'avorter. Elle était allée chez son avorteuse habituelle. Ce n'était que la quatrième fois qu'elle faisait un avortement. Elle avait quatre autres enfants, n'est-ce pas ? Son mari vient me trouver, me dit « Vite, emmène ma femme à la clinique. » Elle y est restée près d'un mois, je pense. Elle avait fait un avortement habituel et elle saignait. Elle n'avait pas supporté, elle a failli mourir en laissant quatre enfants. Pour moi, c'était nouveau. Je connaissais pas ça. J'étais une militante. Je suis passée au Parti communiste comme beaucoup de jeunes de mon époque, après les grèves 60. Mais j'en étais sortie. Et j'y étais rentrée comme on entre en religion. Et j'avais pris mes distances. Mais tout à coup, je me suis rendu compte que les femmes, l'injustice qui écrasait les femmes était épouvantable. Or, quand à la radio, j'ai entendu parler des dolées mineures, j'ai dit, moi j'en suis, et voilà, c'est comme ça que les maris mineurs sont nés. Nous étions quelques-unes seulement, peut-être une dizaine de copines. liée au milieu ouvrier, puisque l'une de nous était femme de ménage, l'autre était infirmière dans une clinique. Enfin bon, je vous passe les détails, parce que sinon je ne pourrais pas tout vous dire, tout ce que j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire passer ma révolte par rapport à ce qui se passe maintenant. Nous avons donc commencé notre travail de militante en rigolant beaucoup avec les femmes dans les usines et tout ça, à travail égal, salaire égal, en nous battant contre les syndicalistes qui ne voulaient pas de femmes, hein, pour défendre les positions. Pourtant, dans des usines où majoritairement elles étaient majoritaires, excusez-moi. Et petit à petit, évidemment, quand on est dans un milieu comme celui-là, qui existe encore, n'est-ce pas, on est confronté à un problème, j'appelais ça presque d'assistante sociale. Ma fille est enceinte, qu'est-ce que je vais faire? Parler de Lumina, nous avions trouvé la filière vers la Hollande, donc nous envoyions des femmes vers la Hollande, mais ça coûtait quand même. Le voyage là-bas, ça coûtait pas beau, pas cher, mais ça coûtait quand même. Il fallait aussi un suivi médical, etc. Et nous avons été tellement sollicités, on en était même étonnés, que Christiane Rigomont et moi-même, nous avions presque tous les jours un avortement à guider vers la Hollande. À un certain moment, nous avons eu une personne qui était enceinte depuis trop longtemps que pour être soignée en Hollande. Et par l'intermédiaire toujours des Dolémina, j'étais guidée vers le docteur Peirce. Et à partir de ce moment-là, avec le docteur Peirce, on a mis une politique commune, lui, quand il y avait des débats sur l'avortement, parce que ça commençait, n'est-ce pas, il y avait un débat sur l'avortement, Peirce nous disait « attention, ils sont là », nous allions à une dizaine, parfois une vingtaine de maris mineurs, et on chahutait, parce que c'était toujours des débats contre l'avortement, évidemment, hein. Et donc on chahutait, Peirce était dans le haut de la salle, était très calme, reprenait la parole après que le calme soit revenu dans la salle, parce qu'on avait foutu le bordel, évidemment. Et alors, très calmement, il avait l'air vraiment de quelqu'un très posé, il pouvait dire son avis sur l'avortement. C'est avec lui, c'est ce que nous avons fait. Mais nous avons aussi décidé, et c'était avant cette complicité avec Peirce, nous avons décidé, après la mort d'une femme à Charleroi, peut-être les plus âgés s'en souviendront, une jeune femme déléguée syndicale, nouvellement divorcée, enfin en instance de divorce, vendeuse dans le magasin Bon Marché à Charleroi, morte, trouvée morte sur un tas de détritus. Cette femme avait avorté chez une faiseuse d'anche, et la faiseuse d'anche avait eu très peur de ce qui est arrivé, et on a retrouvé le cadavre de cette jeune mère de famille qui avait déjà deux enfants. Nous avons donc fait des tracts, et avec les deux féministes louvanistes et bruxelloises, nous avons été distribuer des tracts dans les rues de Charleroi, faire des meetings. Nous avons été arrêtés par la police parce que ça ne se fait pas, ce n'est pas digne. Nous avons dénoncé le fait que le législateur, il y avait des coupables, la coupable c'était celle qui avait avorté, mais elle était en prison, mais ce n'était pas elle la coupable, c'était le législateur qui laissait les femmes mourir dans des conditions horribles. Elle n'est pas la seule qui est morte. Dans notre entourage, une jeune fille de 16 ans, qui avait un fiancé déjà, se retrouve enceinte. On va vers un médecin de notre région et on lui demande de bien vouloir l'aider. Il refuse, c'était urgent. On ne pouvait pas aller en Hollande, ses parents l'auraient su, ça aurait été un scandale. le médecin refuse, cette jeune fille se suicide, et son amoureux disparaît. Pour nous, c'était invivable. Nous ne pouvions plus accepter ça. Donc nous avons vraiment, à cette époque, avec le docteur Peirce, nous avons organisé dans notre région une rencontre avec d'autres médecins de la région qui voulaient bien nous aider. Et à ce moment-là, on a commencé à débloquer. Quand on ne pouvait plus envoyer en Hollande, on pouvait compter sur des médecins comme Franck à la clinique de l'Estre. À l'époque, ça s'appelait, c'est maintenant Tivoli, c'était la clinique de l'Estre. Et avec le docteur Boutmy qui était là. Mais ce n'était pas aussi bien que maintenant. Aussi bien, je pourrais dire. Oui. Voilà. Vous racontez des histoires d'avortement, je pourrais vous en raconter beaucoup. Nous avons rencontré des personnes âgées, enfin, qui étaient âgées pour nous, qui étions jeunes, et qui nous disaient, même fille, j'ai eu 6 enfants, j'ai avorté une vingtaine de coups. Toutes seules, hein, d'un jour. Et elle savait avorter. Elle savait avorter, elle n'avait jamais eu d'accident. Quand il y avait une voisine qui avait un problème, bah, écoute, quand on ne se revoit pas, tu sais. Hein, et quand la voisine avait un problème, eh ben, elle l'aidait. Oh, mais s'il y avait eu un... Hein, évidemment, il fallait que le mari soit d'accord, hein, parce que sinon, on risquait la prison. Voilà, ça, c'est ce que nous avons vécu. Donc, nous avons décidé que plus personne, plus de femmes dans notre région ne mourraient d'un avortement. Nous avons distribué des tracts sur le marché en mettant, surtout, n'allez pas voir une faiseuse d'ange, nous sommes là pour vous aider, on vous aidera à avorter. Nous avons été parfois prises par la police, parfois pas, enfin bon, mais c'était toujours plutôt bonhomme. Dans notre région, il n'y a pas beaucoup ne soyons pas méchants. Nous avons eu aussi la complicité de certains milieux chrétiens, de la JOC par exemple, des jeunes de la JOC venant dire « Nous avons un problème, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Évidemment, on l'a fait. Nous avons eu aussi des curés qui nous ont appelés en disant « Écoutez, c'est pas notre rôle, mais enfin, cette famille est... » Et de rencontrer dans les débats des femmes catholiques qui, au nom de leur foi, considéraient qu'il fallait ne pas légiférer sur l'avortement, nous mettait vraiment en colère, parce que ces femmes, évidemment, des femmes catholiques ont aussi avorté, et nous en avons aidé. On ne demandait pas sa carte, la carte des gens que nous aidions. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons mené cette lutte avant de rencontrer le docteur Peirce, avec le docteur Peirce. Et quand est venu les premiers débats avec les médecins, avec cette loi qu'on voulait pour que les femmes puissent avorter, nous avons été très déçus parce que le pragmatisme des médecins, des juristes nous énervait. Nous n'étions pas pragmatiques. Nous ne voulions pas de cette façon de penser. Le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement pour nous était allait de soi. Et nous le voulions hors du code pénal. Et nous étions quelques-uns à le hurler dans des salles comme celle-ci où se réunissaient les gens bien qui effectivement avaient fait des choses bien pour les femmes et qui nous semblaient nous parler comme des pères, comme des patrons, quoi. Gentils, solidaires, mais disons que nous avons été... nous avons continué à aider les femmes. Et puis, il y a eu, évidemment, à partir de 75, les centres de planning familiaux, c'est comme ça qu'on dit, qui ont commencé à faire des avortements et qui étaient... dans de bien meilleures conditions que même qu'en clinique, parce que, vous savez, les premiers avortements que nous avons faits, maintenant, on peut en parler, c'était une femme venait chez nous, on trouvait la poche des os, enfin la poche, comme on dit, et puis elle venait chez moi, j'étais à quelques 50, 60 mètres de la clinique, et puis quand elle perdait un peu de sang, vite on retournait à la clinique, le médecin la prenait et on faisait l'avortement. Parce que ce n'était pas un avortement, c'était une fausse couche. Alors, vous savez, faire des avortements à partir d'une fausse couche provoquée par un médecin, il fallait un certain courage à l'époque, hein, parce que, voilà, et nous en avons fait, nous en avons aidé des dizaines. Donc quand Pierre s'est allé en prison, nous étions évidemment dans les premiers rangs en disant que nous étions solidaires, mais que nous étions aussi complices du docteur Pierce. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup, Madame Bercheval. Des applaudissements nourris pour votre combat et votre témoignage. Bravo. Merci à vous. Une vie bien remplie. Dominique Dauby, est-ce que pour vous aussi, cette lutte pour sortir l'IVG du code pénal, et finalement, est-ce que vous voulez aller là ou vous restez ici Qu'est-ce que vous préférez? Jeanne, elle me dit d'aller là. Ah ben, si Jeanne le dit, alors, bon, on reste ici, nous. Est-ce que pour vous aussi, Madame Dauby, cette lutte-là est une lutte des femmes, pour les femmes? Alors, d'abord et avant tout, oui, ça c'est une certitude. Et ce dont Jeanne vient de témoigner, ça me touche vraiment beaucoup. Parce que je fais partie d'une génération qui, alors que la loi ne permettait encore rien du tout, a cru que ça y était. Parce que des femmes comme Jeanne se sont bougées, parce que des médecins ont travaillé dans des centres de planning, et parce que, oui, dans les centres de planning, on faisait aussi passer les IVG pour des fausses couches, pour rentrer dans une nomenclature qui permettait que l'IVG reste accessible. On peut aussi le dire maintenant, dans des centres de planning et dans des cliniques. Et donc, quand moi j'ai commencé à militer comme féministe, et ce n'était pas encore chez les femmes prévoyantes socialistes, c'était presque déjà sûr qu'on y arriverait, tellement le terrain avait été préparé. Et si des médecins se sont bougés, mobilisés, notamment des médecins hommes, c'est bien parce que ce sont les femmes qui se sont battues. Je suis vraiment convaincue de ça et je pense que ça fait partie de la transmission qu'on doit faire, et une transmission que, heureusement, qu'on a faite avec moi, heureusement. J'ai reçu ces témoignages et cette histoire-là. Chez les femmes prévoyantes socialistes, qui sont à la fois un mouvement et une institution, il y a eu dans le mouvement, dès le début des années 30, une revendication très claire de dépénalisation complète de l'IVG. Et au fil du temps et du combat, c'est une revendication qui s'est inscrite dans une institution, avec un travail avec des parlementaires, avec un travail avec des mutualistes, hommes, et qui donc s'est aussi arrondie en termes de revendication, c'est vrai, institutionnellement, même si sur le terrain, dans les sections locales, à proximité des centres de planning familial avec d'autres militants, les femmes prévoyantes socialistes avaient ces revendications-là et une action concrète. Autrement dit, des centres de planning FPS se sont créés à partir de 64-65, je crois, à Bruxelles, un peu plus tard en région liégeoise. Des centres qui n'ont pas été tout de suite des centres qui se sont affirmés comme pratiquants des IVG dans la clandestinité, mais par contre qui avaient des relais dans un hôpital qui s'appelait alors Relève-toi, ça ne s'invente pas, qui est aujourd'hui la clinique André Renard, et où là des médecins... Herstal, pour les noms. Oui, Herstal. Et où là des médecins venaient en aide aux femmes qui souhaitaient un avortement. Mais donc oui, on a été dans ce balancement d'une revendication très forte que les femmes ont toujours portée sur le terrain, et d'une revendication qui s'est... pragmatique, c'est comme ça que... tu as dit. Voilà, qui s'est arrondi pour qu'elle soit portée politiquement, pour avancer politiquement. Et c'est vrai qu'à partir de 85, dans ma génération en tout cas, 85 c'est le premier dépôt de loi l'allemand Michelsen, 85 à partir de cette époque-là, quelque part, on est sûr qu'on va y arriver. Ça a encore pris un certain temps, mais quelque part, on est sûr. À un point tel que des femmes qui cherchaient à avorter ou qui avaient avorté en parlaient autour des tables de café. Je veux dire, gommant complètement que oui, c'était illégal, que oui, elles prenaient des risques, que oui, les médecins prenaient des risques. Mais vraiment, j'ai envie d'insister, comme Jeanne Vercheval, ce combat-là, c'est d'abord et avant tout le combat des femmes. Et si aujourd'hui, il y a une revendication de sortir l'IVG du code pénal, c'est une revendication des femmes, parce que c'est une revendication politique pour la liberté et le droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Et merci et salut aux camarades hommes qui soutiennent ce combat, évidemment, mais c'est le combat qui est porté par les femmes avant tout.